Met Ranga Pi. E puzzola l'alice. E paesane l'alice manciata, e paesane. Fritto sarebbe, palisce pe. E viva sec. E bella sec. A tre pezzi. 3000 lire sec. Due braccia per padella brace. E bella per padella brace. E spernocchia viva. E limone brace. E donando saporita. Dire pour quelque chose qui est facile, dire bateau. Ouais, bateau. Ça marche quoi. Ouais, ça, oui, on l'a entendu dire. Ça vient d'où, ça? Oh. Quelqu'un qui est satisfait, quoi. Vous l'employez. On l'a eu dit, quoi. En bronzal. Bateau. C'est tout, barque à travers. Ah, barque à travers, ça veut dire qu'il y a du désordre, c'est comme ici, quoi. Vous le dites, ça? Ouais. C'est tout barque à travers? Ouais. En français ou en bateau? Oh, barque à travers, c'est un peu un patois aussi, tu peux le dire selon la prononciation, quoi, mais ça se dit pareil. Alors, esquichés comme des anchois? Ah ouais, ça forcément, c'est... Quand ils sont dans le métro, les Parisiens vont dire, ils sont esquichés comme des anchois, quoi. Alors ça, il faut plus demander aux femmes, hein. Avoir la maladie du gabien. Ça. Se plaindre toujours, mais avoir un solide appétit. Ah ben ça, non mais ça, je ne l'ai pas entendu dire. Je l'ai entendu dire... Quand quelqu'un mange sans mâcher, avale comme un gabien. Il ne mâche pas, il avale comme un gabien, quoi. Ça se dit. Mais ouais, elle a mal au pied au gabien, la teste mal out et l'oubaisse. Ça c'est un peu... Que le gabien, il aurait la tête malade et le bec. C'est... Ça, je n'ai jamais entendu dire. Bien, ça, je l'ai entendu dire. Ça, c'est des expressions qui viennent de Marseille, qui ont été recueillies à Marseille. Maigre comme un estoc fiche. Oh, ça se dit, ouais. Bon, il semble une morue sèche, c'est pareil. C'est une vraie rapède. C'est quelqu'un qui est crampon, quoi. Ouais. Une rapède, ça se cramponne sur les rochers. On dit, c'est une rapède. Parce qu'il est un peu crampon, quoi. Ah, quelqu'un qui est toujours là. Pour quelqu'un qui est avare, avoir des oursins dans la poche. Ah ben ça se dit. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui est avare, on dit, ne cherche pas à les oursins dans la poche. parce qu'il veut pas envoyer la main à la poche, quoi. Mmh. S'il faut payer une tournée ou... Dire pour quelque chose qui est facile, dire bateau. Ouais, bateau. Bateau. Ça marche quoi. Ouais, ça, oui, on l'a entendu dire. Ça vient d'où, ça? Oh. Quelqu'un qui est satisfait, quoi. Vous l'employez. On l'a eu dit, quoi. En bronzal. Bateau. C'est tout, barque à travers. Ah, barque à travers, ça veut dire qu'il y a du désordre, c'est comme ici, quoi. Vous le dites, ça? Ouais. C'est tout barque à travers? Ouais. En français ou en bateau? Oh, barque à travers, c'est un peu un patois aussi, tu peux le dire selon